J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. La Gazette, 26 septembre 1792, Convention nationale. Cette séance ouverte à 9h du matin n'a été terminée qu'à 6h du soir. Il n'a été rendu qu'un seul décret qu'on aurait pu rendre en 2 minutes. Le reste du temps a été rempli par des débats particuliers. Ces débats, où il n'a été question que de conspiration, que de complot pour arriver à la dictature, au triumvirat, que de poignarder, que de faire tomber des têtes, ces querelles qu'à chaque instant on s'attendait à voir devenir sanglantes, ont répandu sur le sanctuaire des lois et de la liberté je ne sais quel caractère sombre et farouche qui pourrait se répandre sur la France entière si la France en était entretenue avec trop de détails. Monsieur Lavaux et Monsieur Merlin ont demandé le rapport de la loi qui a décrété hier pour la Convention nationale une force armée composée d'hommes pris dans les 83 départements. « Ce n'est pas la force armée, disait le citoyen Merlin, qui nous défendra, mais l'amour du peuple. On parle de dictateur, de triumvirat. Et moi, je jure que s'il s'élevait un dictateur, je fondrais sur lui pour le poignarder. Et qui donc, a demandé Osselin, peut tramer ces infâmes projets de triumvirat, de proscription, de dictature ? Qui ? A repris une voix. Robespierre. C'est lui qui veut la dictature et qui voudrait être le dictateur. Et si la dictature n'est pas possible parmi tant d'ambitions, c'est lui qui veut le triumvirat. On s'attendait à voir Robespierre monter à la tribune. C'est Danton qui est monté. S'il y avait un homme qui eût ouvert son âme à l'ambition de s'élever au-dessus de la souveraineté du peuple, sa tête devrait tomber. Mais, citoyens, ce n'est pas seulement de dictature et de triumvirat qu'on parle. Un autre complot transpire encore contre la grandeur et la prospérité de la République française naissante. C'est celui de la morceler en plusieurs petites républiques. La France doit être un tout. Il faut que de Marseille à Dunkerque, des Alpes aux Pyrénées, les citoyens français se donnent la main. Je me résume et je demande, premièrement, la peine de mort contre quiconque aspirerait à la dictature. Deuxièmement, un décret qui pose comme base de la Constitution l'unité de la représentation et l'unité de la puissance exécutrice en France. Robespierre prend la parole, appuie les conclusions de M. Danton et descend de la tribune. Marat, que plusieurs fois on avait repoussé de la tribune, à ce moment y monte. Ni Danton, ni Robespierre, ni aucun membre de cette députation n'est coupable d'avoir aspiré à la dictature. Si l'idée de la dictature est un crime, ma tête seule en doit répondre. C'est moi qui ai pensé qu'une dictature seule pouvait sauver le peuple, que le peuple soit sauvé et que je périsse. Je périrai avec joie. Vergniaud a succédé à la tribune à Marat. « Je ne puis le dissimuler, a-t-il dit, il m'est pénible, douloureux, de porter la parole d'une tribune où vient de parler un homme chargé d'un décret d'accusation. » Après de longues agitations, ou plutôt une longue tourmente, la Convention passe sur ses querelles particulières à l'ordre du jour. Marat tire un pistolet de sa poche et le montrant à l'Assemblée dit « Si vous m'aviez mis en état d'accusation, je me brûlais la cervelle devant vous. » Les propositions de M. Danton sont rappelées, et la première, celle qui pose pour base de la Constitution que la République française est une, indivisible dans son pouvoir législatif et dans son pouvoir exécutif, est décrétée. Les ministres de la guerre et de l'intérieur ont envoyé leur démission à la Convention nationale.